La nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un a été présentée dans divers pays. Les agences de presse TASS et Deveros, la radio Sputnik de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Fenistan Hong Kong et les journaux Tagongbao et Wenchuaobao de Chine, la télévision birmane, le journal vietnamien Hanoi Mui, la radio nationale, internationale et en cette langue nationale de Guinée, l'UPI et l'agence d'internet NK News des États-Unis, l'agence de presse Godo du Japon, Léon Page d'internet brésilien Marja Berde, du Comité national d'études du communisme indigéniste du Nigeria, du Comité national d'études des édits du Congo démocratique, du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont fait part de son inspection de la troupe de défense de l'île de Maha, située au front de l'Ouest. L'agence de presse russe Deveros, l'agence de presse du Congo démocratique, le journal népalais Alphan, Léon Page d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des édits et de la politique de Sungun, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée, de l'Association d'amitié Bektusan Tchèque-Corée et du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont fait part que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 6e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée, a inspecté la savonnerie de Leongsan nouvellement construite, le bataillon d'opérations spéciales directement rattaché à l'unité 525 de l'armée populaire de Corée et une sous-unité relevant de l'unité 1344 de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse russe Teveros, la télévision birmane, le homepage d'internet brésilien Marcha Berde, Léon Page d'internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, du Comité national d'études des édits du Congo démocratique, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.